Pas cap de comparer Marvel à Mickey. Captain... Je... Tu préfères Captain America ou Mickey? Ah, c'est difficile, là, tu me brises le cœur. Comparer Marvel à Mickey, Moi, à je Goofy. dirais Mickey en Captain America. Oh, ça Ah, peut donner. c'est bien, ça. Ça peut donner. Bienvenue pour ce troisième épisode de Marvelicious. Et on est accompagné d'un nouvel invité qui s'appelle Eddie. Alors, c'est pas Eddie Brock. Eddie. C'est vachement bien. T'as vu? Eh, mon jeu. C'est que j'ai bu une tisane avant, ça permet d'adoucir la gorge. Comment tu vas? Très très bien, très très bien, merci. Alors, on a pour habitude à ce que les invités se présentent, invités de marque notamment, donc voilà. Je voulais te présenter délicatement pour que les auditeurs puissent. Oui, en plus ça tombe bien, je suis très à l'aise avec ça, donc avec la présentation. J'adore ça, c'est ma vie, c'est ma passion. Dès que je vois des gens, je me présente, bonjour, Eddie, le serial vlogger. J'adore. Je sais jamais quoi dire dans ces cas-là. Voilà, j'ai une petite chaîne YouTube. J'essaye de faire des vidéos quand j'ai le temps. Et on parle de comics, on parle de films, on parle de séries, on parle de tout ce qui touche un petit peu la pop culture ou la culture geek. Voilà, on essaye un petit peu de faire tout ça. Ben, merci d'être là parce que je te suis depuis quelques temps déjà. Alors je te connaissais que sur Serial Vlogger. Et merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu reviendras souvent, même tout le temps si tu veux. Ben, merci voilà. L'invitation. Ouais, moi il y a voilà. En tout cas, je vous invite à aller voir son Instagram. Il passe souvent en live donc avec Landry et Mathéo Sapin. Alors c'est la chaîne du Geek, je crois. La chaîne du Geek. Et ils ont un podcast qui est super d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être 100% Marvel. Oui, bah vous connaissez. C'est un super podcast où Landry et Mathéo Sapin parlent de. Généralement, c'est après la sortie de l'épisode soit d'une série ou de What If. En fait, ils font le live après et puis après ils font un after 100% Marvel. Et après, ils le diffusent sur les plateformes de podcast et c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Et puis, bah, merci d'être là parmi nous. Alors, et on a accompagné de Danae Imaginaire Street, comme d'habitude, la duchesse. Hello. Ah non, mais arrêtez. Arrêtez de m'appeler comme ça. Ça lui va tellement bien, la duchesse de Montréal, ça lui va à merveille. Franchement, ça ferait plaisir, Eddie, que tu dises à tout le monde, à toute votre équipe, que tout le monde l'appelle la duchesse. Voilà. Je partage ça tout de suite. Mais non. Tout de suite. La duchesse de Montréal. Et de Benji, mon acolyte. Ça va, Benji? Ça va. J'avais vraiment hâte de parler de ce magnifique film qui est Venom 2. T'avais hâte, mince. La question est, c'est dans quel sens? Quel sens tu as hâte d'écouter? Ouais, c'est ça. Hâte de le détruire ou hâte de l'embellir? Bon, je pense non, mais que ce podcast, je vais vous danser un défi. Ce podcast ne devrait pas durer plus d'une heure et demie, qui est la durée du film. Hein. Normalement, non. On va voir s'il dure une heure et demie. J'espère. Une heure et demie. En tout cas, oui, on aura tout le temps. Mais je vous danserai un défi quand même de trouver un avis positif dessus. Et je suis sûr que vous en trouverez des avis à avoir. C'est sûr. Ah. On va commencer à parler, comme je vous disais tout à l'heure, du personnage qui est Venom, parce que ce n'est pas non plus un personnage populaire, enfin, du moins Spider-Man, lui, il l'est, puisqu'il fait partie du Spider-Verse, comme on dit, ou du Spider-Monde, Spider-World, peu importe. Il est plutôt connu à travers Spider-Man et sa première apparition au cinéma. Danae, c'est quand? Tu l'as dû le voir. En tout cas, la avec... première apparition de Spider-Man? Non, de Venom. Bah non, de Venom. Ah, de Venom. J'allais dire quoi? Oui, bon, alors vas-y, cherche. Je n'ai pas la date précise. Cherche, il faut que je cherche. Non, mais dans quel film? Ah, dans quel film? On a vu Venom pour la première fois. Attendez. Eddie, c'est pas... Je suis tellement pas... Ouais, j'ai vu ton doigt, J'essaie de l'aider un peu, mais... Ouais, vas-y. On te le fait tous. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas, mais on a la webcam allumée sur le Skype. Ah, Sam Raimi, on va t'aider. Voilà. Je suis tellement pas pro Venom, sérieux. Bah oui, c'est pas non plus un personnage populaire. Hein. C'est pas non plus, enfin, c'est pas un... Quand on parle de Marvel, on pense surtout à, aux principaux, mais c'est pas non plus celui qui vient à l'esprit. Et c'est pas, enfin, pas l'impression non plus que dans les lecteurs de comics, ce soit le premier achat qu'on va faire. Tiens, je vais acheter Venom, tu vois. Si, non. Quand même, Eddy. Ben, ouais, là, depuis quelques temps, il y a eu, un gros travail de fait sur le personnage de Venom, et notamment par je confonds toujours, c'est Donny Cates, le dessinateur. Attends, je peux aller pour, vas-y, je peux aller chercher. Bien sûr, vas-y, va chercher. Parce que c'est important. Ça c'est important. Non, Venom, c'est un personnage qui est quand même apprécié dans les comics. Moi, je sais, ah, avec... j'ai pas dit qu'il était pas apprécié. J'ai dit c'est pas celui vers quel le lecteur de comics va se tourner. Eddy est pas d'accord. Non, c'est, mais, c'est ça. Non, c'est Donny Cates et Ryan Stegman donc, qui ont d'accord. repris un petit peu le Venom. Ils l'ont fait ultra stylé. Ils l'ont fait. Ah ouais. La couleur. Oh, ouais, non, non. Le caractère a été complètement modifié. Maintenant, il y a toute une nouvelle mythologie qui a été refaite sur Venom, mythologie qui est hyper intéressante. Bah oui, alors on parle de Dieu, on parle de tout ça. Sur l'origine de Quinta. Une mythologie qui a été recréée, il y a tout un univers sur l'origine des Clintar, donc le peuple d'origine de Venom, tout ça, sur leur planète. Enfin, c'est hyper intéressant. Juste pour la petite anecdote, moi, j'avais plutôt bien aimé le premier à l'époque de sa sortie. Mm-hmm. Et je l'ai revu à la baisse une fois que j'ai commencé à lire des comics, notamment celui-ci, donc Venom Rex, qui est magnifique. Et il faut que je lise la suite, absolument. Parce qu'on apprend plein de choses, on apprend tous les petits défauts qu'on nous montre ou qu'on nous présente dans le film Venom, pourquoi il est sensible aux ultrasons, pourquoi il est sensible au feu et tout ça. Là, c'est expliqué dans le comics. Dans le film, ça sort de nulle part, on nous explique ni le pourquoi, vrai, ni ça. Du comment, ni rien du tout. Mmh. Et quand on le lit dans le comics, c'est tellement intéressant que c'est dommage de ne pas l'avoir eu au cinéma. Oui. Ah ouais, je devrais l'acheter alors, parce que moi... Est-ce que c'est celui-là que la plupart des gens conseillent à lire en premier, parce que peut-être c'est le plus agréable à lire au niveau du scénario et... Mais ça, c'est vraiment un renouveau, hein. c'est ultra moderne. Ouais. C'est pas le Venom de ses débuts, tu sais, avec un personnage un peu... avec les comics à l'ancienne, un peu plus difficile d'accès. Là, on est sur quelque chose. Voilà. Puis c'est le dessin, c'est Ryan Stegman, donc c'est grave. C'est tellement beau. Ouais. Non, c'est chaque page, c'est une œuvre d'art. C'est magnifique. Bon, Venom Rex, conseillé par Papy Eddy. Voilà. Merci. Bon, Eddy. Non, je note. Attends, Venom Rex. Voilà. Moi qui n'ai pas experte en Venom, ça va peut-être m'aider. Mais soit dit en passant, quand on est jeune lecteur de comics ou nouveau lecteur, c'est pas non plus le personnage qu'on va se décider d'aller voir tout de suite d'acheter. En tout cas, j'ai pas cette impression-là. Généralement, on va se tourner vers peut-être des bouquins d'Avengers ou des personnages plus connus. Ça dépend. Ça dépend de dans quel univers tu as été élevé, en fait, dans le Marvel Universe. C'est dans quelle branche que tu as connu Marvel, genre. C'est comme exemple. La branche dark et la branche moins dark. C'est ça. Non, mais même, tu sais, mettons comme moi, je sais que, contrairement à mes connaissances de maintenant, à la base, je suis tombée en amour sur Marvel parce que moi, je suis dans la génération du Iron Man. Je suis dans la génération de genre Iron Man, c'était lui le truc le plus awesome de Marvel. Et avec la sortie de ses films, etc., puis à quel point ça a remis un peu Marvel sur la traque. Et, du coup. Ben, c'est sûr que moi, vu que j'ai été élevée dans la ligne de Iron Man, ben, je me suis plus intéressée dans l'univers qui l'entourait lui, plutôt qu'exemple l'univers des gens qui ont été élevés à la Spider-Man, où ils étaient super fans de Spider-Man, donc ils vont aller voir tout ce qui est relié à cet univers-là, t'sais. notamment la trilogie de Sam Raimi, et dont le 3, justement, où il y a Venom, comme il était à l'origine, c'est-à-dire vraiment dans un aspect très parasite, moins développé en termes de personnalité, d'ailleurs, du coup. Ce qui est intéressant dans l'univers de Venom aussi, c'est tout ce qui est la ruche, ce qu'on appelle, parce que c'est pas le seul symbiote, il y en a plusieurs. C'est aussi toute l'origine de sa race, de son espèce, mais aussi la façon dont ils se reproduisent, c'est assez particulier. Leur dieu, qui est Knoll, et aussi les pouvoirs de Knoll qui sont relativement intéressants, puisque je crois qu'il peut contrôler le temps, si je me trompe pas, ou l'espace, ou les deux. C'est un dieu, Knoll. Mais et ce pouvoir qu'il a aussi de contrôler tous les symbiotes aussi. Il a un pouvoir aussi de contrôler les symbiotes. C'est leur créateur. En fait, voilà, il a une emprise. C'est ça qui est hyper intéressant, justement. C'est ce qu'on découvre dans Venom Rex. Mais après, il n'y a pas de symbiote. Venom, c'est qu'un symbiote parmi d'autres. Hein. Il y en a tellement de symbiotes. D'ailleurs, je crois que c'est le 998e, si je ne me trompe pas, symbiote. Oui, c'est ça, parce que Carnage, c'est le 999, et quand tu le retournes, ça fait 666. Je me souviens de ça. Mais bon, je n'ai peut-être pas de référence, mais... On est dans la symbolique. Mais en fait, c'est d'où la façon, en fait, ils se reproduisent, entre guillemets, qui est pas du tout comme celle qu'on voit dans le film. Hein. On est d'accord, hein, Eddie, je pense. Oui. Hein, c'est pas en mordant quelqu'un qui a un symbiote qu'on devient qu'on en a un. Non, mais en fait, il a quand même bouffé le. Ton sang a un drôle de goût. Il a bouffé le morceau de symbiote. Alors, je sais pas ce que ça fait. Je serais pas allé bouffer un morceau de symbiote quand même. Ça doit être mais moi, je vois pas le symbiote dans le sang, toi. Je le vois plutôt, tu vois, en surface, à se balader, tu vois, plus que dans le sang, tu vois. Je le vois pas vraiment intégré au corps. Bah, bon, il devait servir de matrice qui se développe, je sais pas. C'est un peu bizarre. Après, si peut-être parce que vu qu'il aide, les symbiotes justement. Dans les comics, je crois qu'il a un cancer assez prononcé, Eddie Brock, et je crois que justement, ce qui le maintient en vie, c'est Venom. Donc, pour dire, c'est qu'il n'y a pas que le personnage de Venom qui est intéressant, c'est tout l'univers des symbiotes qui est intéressant. Et notamment, je pense au film là, mais c'est incompréhensible de savoir pourquoi Carnage en veut terriblement à Venom. T'as pas d'explication, en fait. Tiens, je te présente Carnage, il va te tuer. Vas-y. Ok. Je m'excuse, je te coupe. Il n'y a pas d'explication sur pourquoi Carnage en veut à Venom. Il n'y en a pas non plus d'explication. C'est pourquoi Carnage... Ah non, il est rouge, je ne veux pas me battre avec. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a des explications sur rien, en fait. Après, tu as une explication quand tu es lecteur de comics approximative en disant que dès lors qu'un symbiote crée un autre symbiote, l'autre veut tuer le père. Ça a toujours été comme ça. Mais tu sais pas pourquoi non plus dans le film, comme tu dis. Je pense qu'il manque une chose essentielle à ce film, c'est un scénario. Parce que là, on a une suite d'actions, de scènes d'action, sans explication, sans queue ni tête. J'ai pas vu de scène d'action. J'en ai pas vu. Celle de la fin, mais j'en ai pas vu sinon. T'en as vu d'autres ? Non, mais même, c'est ça qui manque énormément au film, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Genre, je veux dire, tu n'as pas de lien. Et puis là, maintenant, en plus, avec ce qui va se passer avec la scène post-crédit, je trouve que c'est encore moins bien dans le sens où on n'a pas d'explication. Et là, en plus, on va l'intégrer à quelque chose d'autre. Je trouve que c'est juste, genre, on a acheté Venom puis Carnage comme ça, genre, vlam. Mais ça restait intelligent d'intégrer au MCU maintenant, puisqu'il y a vraiment un lien très fort avec le concept de multivers, justement, et les capacités, les connaissances de l'espèce de Venom, quoi. Et donc, aucune introduction crédible, aucune explication. Et en fait, c'est vraiment, je pense, c'est au-delà des dommages, c'est vraiment un gros gâchis, quoi. T'as l'impression que le 1 comme le 2, ça va tellement vite que c'est limite brouillon, tu vois. C'est-à-dire que tu regardes le 2, ça dure 1h30. Et en fait, en 1h30, t'as vu tellement de choses et rien à la fois. C'est-à-dire que le scénario va méga vite. L'histoire, tu te demandes comment recoller les morceaux entre mes commandes, pourquoi Cassidy veut le voir, pourquoi lui spécialement, comment, tu t'apprends que Venom s'est dessiné à la perfection. Tu dis, c'est quoi cette histoire? Ça va tellement vite. Après, faut se rappeler quand même une chose, c'est Gollum qui a réalisé le film. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Mon récit. Mon récit. Non, mais moi, alors, c'est ça que j'aime pas. C'est le fait que ça, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Ça a juste été jeté comme ça à la va-vite. Et maintenant, on expecte que ça va arriver dans la MCU. Je suis peut-être la seule sur la planète qui ne veut pas, mais moi, je ne suis pas contente que Venom arrive dans la MCU. Je suis peut-être la seule sur la planète. De cette post-crédit, on va pas aller tout. Pas mettre la charrue dans les bœufs. Je vous propose, c'est de trouver chacun au moins un point positif au deuxième film. D'accord ? Un seul. Ça va être dur. Je sais. Vous me donnez 2 secondes, il faut que je branche mon ordi avant. Branche ton ordi. Ça va être long, je vous le dis. On va essayer de trouver un point positif en même temps. Voilà. On va essayer de trouver un point positif et puis après, bon, on se lâchera s'il faut. Alors, Eddie, toi, dis-nous quel est le point positif ou un point positif dessus. Oh, c'est dur comme ça, hein, parce que Michelle Williams, que j'aime beaucoup, je la trouve complètement inexistante. Dave, il sert à rien. Tom Hardy, ouais, évidemment. Ouais. Tom Hardy, je le trouve pas bon du tout dans là pour le coup. Autant je le trouvais pas mal dans le premier, là dans celui-là, je le trouve pas bon du tout. Bah, il est linéaire et platonique, je trouve. Non, puis il est en mode émo dépressif. Ouais. Je sais pas. Non, je le trouve pas juste. Il n'y a pas d'évolution avec le personnage. Je vais répéter ma question. Je suis désolé, mais j'ai dit il faut trouver un point positif. D'accord. Non, mais je suis en train de chercher parce que moi, Woody Harrelson, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Là, il est. Je vais peut-être lancer. Vas-y Benji, t'en as un. J'avoue que c'était mon point positif, c'était Woody Harrelson. J'aime bien comme acteur. Il a cette patte un peu de gars un peu dérangé, décalé et tout. On le retrouve là dans ce personnage. Après, bon, effectivement, il est un peu desservi par le scénario, mais sinon, j'étais content de le retrouver un peu égal à lui-même entre guillemets. Voilà, il joue les psychopathes, il le joue pas trop mal. Le problème de l'acteur, c'est qu'il est toujours soit poussé vers le haut ou desservi par le scénario, quoi. Ça, c'est sûr que là. Alors, moi, j'ai trouvé sympathique un truc que j'ai trouvé sympa, c'est que, alors pas tout le temps, mais il y a des moments où je suis tapé des barres de rire dans la relation entre Venom et puis Eddie. Il y a des moments où j'ai rigolé. Oui, mais quand il lui fait des gaufres, par exemple, les engueulades comme ça, moi, ça m'a fait marrer. Mais ça m'a fait marrer, pas non plus à m'entendre de rire, mais j'ai trouvé ça quand même sympathique. Voilà, c'est le seul point positif que j'ai trouvé. Bon, Eddie n'est pas d'accord. Bah non, justement, parce que moi, je ne vais pas voir Venom pour voir un film comique ou voir... Oui. On a l'impression de voir, tu sais, le vieux spectacle de Pierre Palmade et Michel Larocque, là. Ils s'aiment, tu sais, c'était une pièce de théâtre où ils étaient sur le point de divorcer, ils font que de se reprocher, je t'aime, moi non plus. Là, on n'a que ça, en fait, c'est ça, c'est une scène de ménage, mais avec Venom et Eddie Brock, c'est insupportable, même la scène où ils se battent, elle est même pas drôle, c'est même pas drôle. Ah, c'est pas vraiment drôle. Non. Je la trouve pathétique, j'avoue. Oui, exactement. C'est le fait que c'est un humour qui marche. Je dis pas que c'est un humour qui est pas bon, c'est un humour qui marche, mais après, pas nécessairement dans Venom, dans le sens où, oui, l'humour, c'est quelque chose que j'ai trouvé drôle, mais je trouvais pas que ça faisait bien dans le scénario de Venom, genre dans le film en général. Exactement. Mais ça, c'est le genre de truc qui marche dans Les Gardiens de la Galaxie entre Peter Quill et Gamora. C'est le genre de truc qui fonctionne, mais pas avec Venom. Venom, on veut voir du Venom, à la rigueur, comme dans le 1, la première moitié du 1, où voilà, on a un petit peu ce combat avant l'acceptation, vraiment, où il parle sous le pont, là. Où il lui explique juste au moment où ils disent moi aussi j'étais un loser sur ma planète, le film n'était pas trop trop mal. Oui. Mais la scène quand tu vois le 1 qui n'était pas terrible et que tu vois le 2 maintenant, tu te dis que le 1 en fait il n'est pas si nul que ça en fait. Ouais, mais c'est ça le problème, en fait. Le problème, Ouais, c'est que ça, c'est de ouais. plus en plus. Eh bien, ils vont nous faire un 3 qui va être encore tellement nul que tu te diras, en fin de compte, le 2 était pas si mal. Le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment, on aimerait avoir un film qui est bien, quoi. Le film Ouais, durera 4 minutes de film, il paraît que le film va parce que durer le 1, 45 il minutes n'était là pas cette si fois-ci. pire. Le 1, il n'était pas si horrible que ça. Sérieux. Moi, quand je l'ai écouté, j'étais comme genre, bon, ok. Si Ben, c'est le un film souci. de super-héros, puis de Ben oui, hanté, mais donc. le souci, En c'est fait, que c'est ouais, c'est comme Venom. ça qu'il faut le prendre. Ouais, mais non, faut pas le prendre comme ça. Parce que Oui, mais quand à tu faire comme regardes. ça, Oui, mais on laisse faire des films comme regarde, ça. je suis sur Internet, je regarde au box-office, juste le box-office américain. Shang-Chi, on est d'accord, c'était plutôt. Ça a très bien marché. Quand Ouais. tu vois que Venom 2, tous, quasi tous, on le démolit, peu importe le podcast qu'on écoute ou de manière des fans, ou les lives qu'on regarde, on le démolit tous. Et empêche, tu regardes, il plaît ce film. Oui, mais Tu sais c'est que les gens pas vont le pareil. voir. Non, il plaît pas. Le Bah, public n'a pourquoi ils vont pas le la voir? même. Ben, c'est Parce parce que que le public n'aura jamais en la fait, ils même voient pas la même opinion chose que que les nous. fans. Ben oui, C'est ça. C'est c'est ça, pas c'est la que. même chose. Je veux dire, moi, je demande à mon cousin s'il a aimé Venom. Il va me dire, ben oui, je l'ai aimé parce que c'était drôle, il y Voilà, avait c'est des ça. Parce conneries. que. T'avais Venom qui lançait des pancakes à la tête d'Eddie. Genre, je veux dire, oui, c'est sûr, Encore mais un. c'est Mon pas. épouse qui est Voilà, vraiment et moi, fan de Marvel, c'est elle a bien une. aimé. Du Elle a bien gâchis. aimé. De jeter la nourriture comme ça, je trouve ça inadmissible. Moi, ça m'a pas fait rigoler du tout. Oui, on joue pas avec la nourriture. Surtout qu'il a l'air super bon, les pancakes. Alors, franchement, cette scène n'est Non, pas c'est sûr, appréciée. c'est comme ça, mais Il y a il rien reste au que moment, quand c'est même, quand un il fait. humour qui plaît. C'est un humour qui plaît au public. C'est comme quand Deadpool est sorti. C'est le même style, je veux dire, c'est le même, la même catégorie d'humour, sauf que dans Deadpool, ça a été tellement bien intégré. Alors que dans Venom, c'était pas. Ouais, mais Deadpool, il se bat pas avec la nourriture, donc ça, là. Oui, ok, je dis pas ça comme ça, mais. Maintenant, moi, alors, je fais des vlogs. C'est-à-dire que je vais dans les salles de cinéma, je recueille l'avis du public avant la séance et après la séance. Avant la Et alors? séance, les gens que j'ai interviewés, des gens, pas des critiques de cinéma, pas des spécialistes de l'univers Marvel, tout ça, ils m'ont dit, on a peur que ça soit trop humoristique. À la sortie du film, les mêmes gens que normalement j'étais censé interviewer m'ont dit, non, je ne veux même pas en parler. Tellement c'était pourri, tellement c'était nul. Voilà. Et en fait, les seules personnes qui m'ont dit qu'ils avaient adoré, et je vous jure que c'est vrai, c'est un groupe d'enfants de 10 ans. Ils Ouais, ont dit bah que c'est c'était ça. trop cool et ils ont rigolé aux blagues. Et en fait, c'est ça Bah le oui, parce truc. que Venom, il plaît parce qu'il est drôle Voilà, parce que et qu'il a une grosse c'est un gros voix et boost qui a une que. grosse voix et qui fait des blagues et c'est rigolo parce que c'est du caca Ouais. moudin. Mais c'est des trucs, c'est des blagues d'enfants de 10 ans. Voilà. Juste Et pour par. reprendre, Alors, tu as tout pour à fait reprendre ce raison, que c'est que tu c'est dis. caca boudin dans le film, alors que dans les comics, ça n'a rien à voir avec du caca C'est boudin. ça le truc. Ah Parce qu'il a une ben. vraie histoire Non, bien mais dark c'est ça, c'est qu'il n'est pas et son pareil que arrivée dans les sur Terre comics. n'a pas fait non plus. Ça n'a pas été facile. Comment? Même moi qui n'ai pas spécialiste en Venom, je le vois la différence à quel point il n'est pas pareil que dans les comics. C'est pas le même type de personnage, c'est pas le même background, genre un peu plus dark ou quoi que ce soit, Dans avec les plus de problématiques. comics, de manière générale, il est ni méchant ni gentil, il va là où son intérêt l'emporte. À chaque fois. Et il a changé quand même. Aujourd'hui, Maintenant, maintenant, vas-y, dis. aujourd'hui, Venom, c'est plus un anti-héros. Donc l'anti-héros, c'est ça, c'est le mec qui se fait justice lui-même, un peu à la Deadpool. Maintenant, Venom, Finisher. ouais, voilà, c'est ça, le Punisher ou Deadpool, c'est des gens qui tuent des gens, ils rendent la justice, ils se soustraient à la justice et ils. Voilà, ils sont à la fois juges, bourreaux, avocats, Non, ils ça c'est font juste tout. Dredd, ça. Mais ouais, non, mais sur le principe, c'est la même chose. Que Ouais, c'est vrai. maintenant, Venom, ben, il est plus comme un Spider-Man, comme un Captain America, comme voilà. C'est-à-dire que les méchants, il les met en prison, il les tue pas. Donc maintenant, Venom, c'est un véritable super-héros. Bah. C'est plus quelqu'un qui est poussé par Ah, on son peut pas dire que ambition. c'est un super anti-héros pour toi? Ah non, non, bah non, Je trouve que dans le film, justement, il y a une dualité intéressante là de concept entre les différentes versions de Venom dans les comics, où est-ce que c'est un méchant, un anti-héros, un héros. Et là, on voit que y a deux parties dans l'histoire, qui est Venom qui se voit comme un héros létal, donc plutôt un anti-héros, et Eddie Brock qui veut le tirer vers un aspect plus héroïque et plus conforme aux lois. Donc, ouais, là, je trouve que justement, il y a, ouais. là-dessus, il y a une confrontation. Donc, peut-être, s'il y a un point positif, peut-être, du coup, je le mettrais peut-être là-dedans, sur cet aspect-là. Après, est-ce que c'est bien amené? Est-ce que ça mène à une réelle conclusion? Je trouve que, comme tout ce qu'il y a dans le film, il y a peut-être des pistes d'idées, de sujets intéressants, mais qui n'aboutissent au final à rien parce que c'est maltraité. Ce qu'ils veulent en faire dans les films, ça. Pour les lecteurs de comics que nous sommes, c'est que ça n'a rien à voir. Hein, Eddie, on est d'accord. Comme on disait tout à l'heure, Venom, c'est des origines particulières. C'est une ruche à la base avec des symbiotes. Il faut savoir, c'est que les comics, du moins l'univers des symbiotes, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Ils ont leur planète à eux. Ils ont aussi, alors je crois, alors je ne suis pas sûr de moi sur ce coup-là, mais je crois que sur leur planète, ils vivaient en paix avec les espèces aussi. Et ils n'étaient pas aussi agressifs qu'on connaît que Paul Venom et autres. Pas du tout, justement, au contraire. À la base, les Clintar, c'est un peuple pacifiste et qui lutte pour la paix. Et même, il y a toute cette histoire, c'est comment, je l'ai dit tout à l'heure, mais comment un symbiote se reproduit. Enfin, en fait, c'est-à-dire que quand on est lecteur de comics et qu'on voit ce film-là, on se dit, mais what, quoi, ils ont gâché ce qui est en réalité le symbiote Venom. Quoi. Ils l'ont gâché en allant beaucoup trop vite avec ce scénario qui limite il est brouillon, avec des choses totalement illogiques comme tu as dit tout à l'heure où il est rouge, je fais demi-tour, tu comprends pas pourquoi. T'as d'ailleurs, les gens vont pas forcément comprendre, mais je crois que le flic a les yeux blancs à la fin, non? Oui. Bon, ça, tu sens un peu que ça va être toxine qui va arriver. Oui, mais c'est ça, mais c'est pareil, ça sort de nulle part. Tu sais, ça sort de nulle part, c'est quoi ça. Parce qu'il a quoi? Il a mordu, parce qu'à un moment, il est derrière l'hôtel de l'église, parce qu'il a mordu, comment il s'appelle, Carnage. Bah non, parce qu'il a léché les tentacules de Carnage, est-ce que c'est comme ça qu'il y a eu toxine? Tu sais pas, en fait, comment ça s'est passé. Tu sais pas. Et puis même encore là, vous, c'est que vous avez lu un peu vous avez lu les comics, donc vous savez que c'est potentiellement ça qui peut arriver. Mais comme exemple, moi, quand j'ai été voir le film avec justement des gens qui sont pas fans de Marvel, genre, tu sais, comme pas intensément dans les comics, ils savaient vraiment pas c'était quoi le rapport. Genre, tu sais, pour eux, ils étaient en mode, genre, c'est quoi, il a développé un pouvoir, genre, c'est quoi qui s'est passé, genre. Mais non, mais il n'y avait pas d'explication, rien, tu sais. Ça, c'est typiquement le genre d'easter egg que les studios essayent de placer en pensant faire plaisir aux lecteurs de comics. Tu sais, pour dire, on a mis ça, les lecteurs de comics, ils vont être contents parce qu'ils vont voir qu'après, il va y avoir, mais non, on s'en fout de ça, on veut pas ça. Enfin, si tu veux faire plaisir à un lecteur de comics, déjà, de base, Venom, tu le fais naître avec Spider-Man, tu le fais pas naître comme ça, qui arrive, qui tombe d'une planète. D'ailleurs, c'est là où tu dis que le 3 de Sam Raimi, c'est celui qui représente plus Venom au final. Il est plus respectueux du lore. Oui, complètement. C'est pas le meilleur de Sam Raimi des 3, mais c'est même le plus naze, personnellement. Mais des 3 films qu'on a eu qui traitent de Venom, c'est le plus respectueux de l'histoire de Venom. C'est plus respectueux. Et il y a une vraie part psychologique du personnage aussi, je trouve. Ce qui aurait été intéressant, je pense, c'est d'avoir, pour faire plaisir au moins aux lecteurs de comics, c'est peut-être d'avoir des flashbacks de sa planète ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ça aurait amené de la profondeur. Ils auraient dû parler de l'univers des symbiotes avant même pour qu'on puisse comprendre qui est Venom. C'était la base. Oui, mais j'ai l'impression que c'était pas ça le but qu'ils voulaient faire, dans le sens où j'ai l'impression que, justement, vu que Venom, à la base, n'était pas intégré à la MCU, c'est la MCU, ils essaient de faire attention à bien mettre le background de chaque personnage avant de l'intégrer dans une histoire plus complexe. Eh bien, Venom, vu qu'à la base, il n'était pas genre directement intégré dans la MCU, je trouve que c'était juste un film en mode... C'est comme moi, quand j'ai été voir le 1, j'ai eu l'impression que c'était juste en mode, on a fait un film sur Venom parce que le personnage, il est cool et il est badass. Mais on vous a donné aucune information, c'est juste on vous a droppé le personnage dans un film d'action, boum boum pow pow, on vous a fait un 2, et puis voilà, c'est juste ça. C'est ça, en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti un film au moment d'Halloween pour vendre des costumes, on a l'impression. Ouais. Ils ont sorti un truc vite fait. Moi ça me donne vraiment... Genre ils ont sorti des costumes... Venom et Carnage... Venom, ouais. Ah ouais, ouais. Bah, alors cette année, oui, mais déjà à l'époque du premier, je connais plein de gens qui, au moment de, enfin, pour Halloween, ils se sont déguisés en Eddie Brock, enfin, même en Venom et tout. J'ai plus beau même que les cosplays qu'on a vus à Paris pour l'avant-première du Grand Rex. Mais cette année, oui, c'est ça. Il y a eu dans les populaires, t'avais Carnage, t'avais Venom, puis t'avais genre la série coréenne Squid Game. C'est juste ça que les enfants se sont déguisés cette année. Ouais, il y a eu un peu de Suicide Game aussi, de Suicide Squad. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi j'ai l'impression que c'est ça le film. Et qu'à la fin, ils se sont dit genre, oh ben gadon, on pourrait peut-être l'intégrer à la MCU, le Venom. On va y mettre une scène post-crédit. On va l'intégrer, gang. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'était ça, genre. C'est ça, juste genre, on vous a droppé genre Venom juste pour vous faire un film d'action cool et badass, mais qui n'était pas cool et badass. Et que, genre, à la fin, on va vous lier à la MCU dans une scène post-crédit. Bam, voilà. Oui. Bah, du coup, la scène post-crédit, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que... Toujours, enfin, on n'en parle pas maintenant, Danaï, arrête de revenir dessus. Désolée, mais je dis juste que moi, c'est ça que ça m'a donné comme impression, le film. Genre, j'aurais tellement aimé, justement, avoir le background de Venom. Genre, moi, je le connais un minimum, mais je suis pas spécialisée en Venom et j'aimerais tellement ça, pouvoir justement plus le voir, tu sais, comme je, tu sais, plus avoir de détails sur sa colonie, sur sa planète, sur sa façon de vivre, c'est plein de trucs, tu sais, et au final, on n'a rien. C'est ça. Le seul moment où on aurait pu, où on a failli avoir tout ça, tout ben, on a eu la scène post-générique. La fameuse scène post-générique. Oui, parce que justement, il dit je vais te montrer ce qui s'est passé. Ruche. Ouais, et bon, on va en parler maintenant, comme ça va être purgé. Non, allez-y. Non, mais de manière générale, ce qui est bien et agréable, c'est qu'on est d'accord, c'est que c'est un film bâclé, trop, enfin, 1h30, faut dire ce qui est, enfin, c'est trop court. Enfin, je crois qu'ils ont dit qu'ils l'ont fait exprès, si je ne suis pas trompé. Ouais, c'est ça, c'est comment il s'appelle, Andy Serkis, il a dit qu'il voulait faire un film qui soit court et concis, que voilà, une heure et demie pour raconter son histoire. Note de synthèse alors, hein. C'est une note de synthèse sur Venom. Parce que sérieusement, c'est depuis quand des films de ce type se fait en 1h30, genre. Et là, je viens d'aller voir un autre film, je viens d'aller voir Eternals qui dure 2h40. Bah oui, c'est ça, genre, je veux dire, n'importe quel film, que ce soit Eternals, que ce soit d'autres films Marvel ou quoi que ce soit, que ce soit un film de super-héros qui n'est pas Marvel du tout, tu fais pas ça en 1h30. Les personnages à développer. Ouais, c'est ça. Tu fais des films de 1h30 pour des histoires romantiques de préadolescentes sur Netflix, c'est tout. Oui, c'est ça. Oui, tu fais, tu sais, les fameux films de Noël, la quête 32 ans, qui part à la campagne pour se remettre d'une déception sentimentale. C'est tellement. Alors, c'est ce que vous voyez pas, mais Eddie est en train de sourire en disant ça. C'est parce qu'il est fan de ce genre de film, c'est sûr. J'adore. mais c'est des bons films. Je peux pas dire que c'est des films de merde. C'est des classiques, genre, tu sais, les classiques de Noël ou les classiques de Noël. Genre, les trucs de romance classiques. Mais ça, c'est correct en 1h30 parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros background de tous les personnages et de la vie, de ci et de ça. Non, on fait juste raconter l'histoire de la fille qui est triste et qui se trouve un nouveau mec. Et au début, elle est comme non, je veux pas. Puis au final, elle a dit oui à la fin. Bon, ça c'est le classique, mais dans un film de super-héros, dans un film d'action, tu peux plus faire ça en 1h30. Justement, on va en parler avant de parler de ton sujet préféré qui est la scène post-générique. L'une des grosses déceptions, c'est qu'à la limite, dans le 1, on avait de l'action. Mm-hmm. À la limite, on en avait. Alors dans le 2, à part à la fin, et encore ce que c'est. C'est hyper rapide, hein. C'est expédié. Hyper rapide, hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une action très précoce, c'est rapide. Et c'est pas efficace, c'est-à-dire que c'est rapide. Et c'est mal fait, en fait. C'est un combat, mais mal fait. Hein. D'ailleurs, je pense que la référence, enfin, je pense qu'il y a une référence, notamment avec la cloche, je pense qu'il y a des références. Il y a une référence au comics, etc. Mais bon, à part ça, c'est-à-dire qu'il arrive, comme tu dis, oh mince, il est rouge, il recule. Bon, allez, on y va quand même, parce que tu m'autorises à le manger. C'est vrai que c'était comme ça. Et pour, je vous ai dit tout à l'heure, qui c'est qui a réalisé le film. Oui, c'est Gollum. Oui. Non, mais le film a été réalisé par César de la planète des singes. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais si ça va être trop cool, c'est Andy Serkis. Mais j'ai les gars, moi Andy Serkis, je suis d'accord, en tant qu'acteur qui est connu pour le stop motion, justement parce qu'il a fait Gollum, parce qu'il a fait César de la planète des singes, parce qu'il a fait Kong, parce qu'il a fait King Kong, parce qu'il a fait voilà. Mais il a fait quoi comme grand film, Andy Serkis, pour pouvoir être, voilà, nous sortir des scènes d'action comme il a sorti à la fin? Non, je suis pas d'accord. Non, mais. Ou alors, faut qu'il mon avis, c'est qu'il a été bridé. Mon avis, c'est qu'il a été bridé. Ah, je sais même pas. Je sais même pas. C'est vrai? Je pense pas. Vous pensez pas qu'il a été bridé? Je crois pas. Non, quand tu m'as dit tout à l'heure, on lui a dit de t'en faire un court et concis. Non, c'est lui qui a dit. Ah, ok. Ah, non, c'est lui, c'était sa volonté à lui. Déjà, il faudrait qu'il fasse des films de comics avec des films de Marvel avec des gens qui lisent des comics, avec des gens qui aiment ça. Je veux dire, tu prends Loki, Tom Hiddleston, ça, je vais faire plaisir à Danae. Le mec, déjà, il adore la culture. Nordique. Trompe pas, il adore la culture nordique. Et le mec, Loki, il connaît tout. Il fait même des exposés sur Loki. C'est dans le sens que c'est un acteur investi. Et c'est pas le seul. Il y a plein d'acteurs dans la compagnie. C'est là qu'il y a des gens investis. C'est ça, c'est des gens qui lisent les comics. À la base, c'est comme, mettons, justement, Tom Hiddleston. Il a lu tous les comics de Loki, de Thor et de l'univers d'Asgard. Pas uniquement de Loki, il a lu tous les comics qui sont reliés à son pays, à Asgard, à Thor, à Odin, à tout. Donc, tu sais, au moins, il sait la différence entre justement le comics et ce que lui, il veut faire retranscrire. Et c'est pour ça que lui, il a dit dans son personnage que son Loki à lui, c'est un mélange des comics mélangé avec ce que lui, il aime, qui est Shakespeare, etc. Mais, tu sais, je veux dire, ça, c'est des acteurs investis. Ça, c'est de la production investie qui va rechercher et qui transmettent cette passion, parce que quand tu regardes, on va revenir sur Loki deux secondes, mais Owen Wilson qui t'explique avant de commencer, lors d'une interview, qui dit bah, « j'y connais rien, moi, Marvel, donc du coup, j'ai dedans ». Et en fait, c'est Tom Hiddleston qui lui a expliqué sa passion, etc., et qui, je suis certain, en transmettant sa passion du personnage de Loki de l'univers Marvel, eh bien, qui a permis d'avoir un Owen Wilson qui a joué un Mobius qui était très, très bon. Très bon. Parce que tu mettais, je suis sûr, Owen Wilson comme ça, sans quelqu'un de passionné, il aurait fait son taf normal. Et là, en fait, on a l'impression que ce Venom-là n'est pas fait par des fans ou des gens qui s'y connaissent. Exactement. Et il reste le fait que, exemple, si tu prends Owen Wilson, eh bien, lui, vu que, justement, il y a aussi un effet que ça l'a intéressé aussi, dans le sens où il a été chercher Tom Hiddleston pour qu'il lui explique, parce qu'il savait qu'il ne s'y connaissait pas. Il a été chercher de l'aide pour avoir des informations sur son personnage, sur l'univers, pas uniquement sur Mobius, mais sur l'univers en tant que tel de Marvel, où est-ce qu'ils étaient rendus, etc. Et c'est des trucs que Venom n'a pas fait, ils n'ont pas été chercher. Et d'ailleurs, Tom Hardy, il est bien gentil, heureusement qu'il est dedans, hein, parce que sinon le film, t'imagines un autre acteur, tu te dis bon, voilà. Mais d'ailleurs, Tom Hardy, t'as pas cette impression-là qu'il s'y connaîtrait. Enfin, je sais pas vous, mais je trouve qu'Eddie Brock, c'est un personnage très particulier. D'ailleurs, c'est dans le film de Sam Raimi, justement, qui est plus proche d'ailleurs de la mentalité d'Eddie Brock. T'as pas l'impression qu'il joue un rôle qu'il connaît, d'un personnage qu'il connaît. Toi, t'as l'impression qu'il arrive en tant que personnage, comme personne bankable à Hollywood, qui est dans un bon film, entre guillemets, dans un film d'action, voilà, pas bon film, dans un film d'action où ça pète, où il y a des effets spéciaux, qui plaît aux gosses, voilà. Et il incarne pas le Eddie Brock qu'un fan aimerait, et il incarne pas non plus, il est là, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça me rappelle un peu George Clooney pour Batman. On l'a pris parce que c'est le meilleur. Oui, c'est vrai. Ou Val Kilmer aussi. Ouais, non, mais c'est des acteurs que voilà, il a été choisi, voilà, plus parce qu'il a un nom qui fonctionne, voilà. Je pense pas qu'il a pas été pris parce que le gars il collait au personnage ou parce que il avait envie, parce que il y a pas eu. Des fois, je sais pas, tu sais, il y a des castings où ils cassent des artistes, même des grands acteurs qui se déplacent parce qu'ils veulent absolument le rôle. J'ai pas d'exemple en tête, mais on l'a déjà entendu plein de fois. Il y a des acteurs ont entendu dire qu'il y avait, tel film qui était en préparation. Ils voulaient absolument le rôle. Ils se sont préparés, ils se sont mis en, Elijah Wood pour le rôle de comment il s'appelle déjà ? Pour Frodon. Le gars, pour la préparation de Frodon, il a tourné, lui, avec des copains dans les bois en mode hobbit. Il a fait des trucs, il a fait carrément un court-métrage. Ouais, pieds nus. Non, mais il a fait le truc, il voulait le rôle. Le gars était investi parce qu'il connaissait, le bouquin et qu'il voulait absolument. Eddie Brock, lui, c'est pas du tout le cas. Non, Tom Hardy, on a l'impression qu'il est venu prendre son chèque. Merci, au revoir. C'est ça. Et puis même quand tu vois les interviews que font les acteurs après, Tommy Hiddleston, quand il fait une interview après Loki, où on parle de Loki, tu vois, il te parle avec passion, t'as la gestuelle, après, voilà, tu vois, le mec est passionné. Tommy Hiddleston aussi. Tu peux en prendre un autre du MCU, un autre acteur dans l'MCU. Tu peux prendre n'importe qui, même genre exemple Robert Downey Jr., tu vois qu'il a aimé son personnage, qu'il a été investi. Mais comme Chris Evans ou... Oui, Chris Tom Hardy, t'as l'impression qu'on lui a faxé le scénar. Ouais. Bon, voilà ton chèque. Et puis voilà, tu imagines le mec, il a passé son temps à parler à un symbiote. Tu sais, enfin... À qui d'autre, à part à Michelle Williams, il a fait la répartie. Cassidy, il lui fait la répartie, à la limite, dans le film, 15 minutes, 20 minutes, grand max. Parce qu'après, Cassidy, une fois qu'il s'échappe, il est plus en train de tourner à droite et à gauche dans la ville. Ouais. Je veux dire, ça va. Je pense pas que c'était le film le plus long à tourner. Non. C'est pour ça qu'ils ont fait des heures supplémentaires, t'inquiète. Voilà. Mais bon, ça a l'air d'avoir marché, puisqu'apparemment, ça a fait autant que Shang-Chi. Donc, ça a fait plus que Black Widow. Ouais. Arrête. Black Widow, j'ai envie de dire. Il faudrait qu'on fasse un podcast sur Black Widow, limite. C'est vrai. Mais Black Widow, c'est sympa comme film d'espionnage. C'est pas mal. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. James Bond. Voilà, faut le regarder comme un James Bond et ça passe. Horriblement déçu par Black Widow. Oui. Wow. Moi je suis d'accord avec Benji, il faut vraiment comme oublier. Moi j'ai regardé comme un James Bond en fait, j'ai pas regardé comme un Marvel. Que tu oublies que c'est un Marvel, genre. Faut que tu oublies que c'est Black Widow, faut que tu oublies que c'est MCU. C'est juste un film de genre d'espion. Et l'avantage, c'est la dernière fois que tu la vois. Voilà. Après tu l'as vu dans Watchmen. C'est pas un avantage ça. Hein. Mais c'est dommage que ça soit ça sa dernière apparition. Parce que c'est un personnage important dans MCU. Oui, c'est vrai. On va parler de la scène post-générique. D'accord ? Ah, je pense que Danae va être contente. Bah, écoute, Danae, tu vas nous la décrire alors. La post-générique ? Eh bien, la fameuse scène post-générique où t'as Venom qui liche l'écran tellement qu'il veut aller voir Spider-Man. Bon. Why ? Et qui dit Ce gars. Non, mais c'est. C'est une. Qui regarde un. Je crois que c'est une série télé. Ouais, c'est genre... ça. Il regarde une série télé espagnole, je sais pas trop quoi, romans. C'est genre Dallas, tu sais. Oh, Brendan. Mais ouais, c'est les TV novellas là. Oui, télé novellas, c'est ça. Il regarde ça et puis il y a. Tu sais pas pourquoi, d'un coup, Venom lui dit dans la ruche, on a des pouvoirs, ou on a vu. Non, on connaît beaucoup de choses On a vu beaucoup de choses, c'est beau. T'as Eddie qui dit « Ah bon, t'as vu quoi ?» Et puis là, ça tremble, la chambre tremble, et puis ils apparaissent dans une autre chambre, parce qu'ils sont leur une autre chambre. Et tu vois, c'est pas le même endroit. Et puis tu vois la tête... C'est la même chambre, mais dans un autre département, genre, dans un autre... Non, mais c'est-à-dire qu'ils passent de la nuit au jour. C'est ça. Et en fait, du coup, t'as le visage de Peter Parker qui apparaît, là où ça nous a laissé à la fin de... Quand on découvre son identité, et puis t'as Eddie Brock qui redevient Venom très rapidement, et puis t'as la grosse langue de Venom qui lèche l'écran en disant ce gars, voilà, tu sais pas pourquoi, voilà. Exactement. Et... vous voyez pas, mais Eddie nous montre des jolies images de Venom. C'est Lethal Protector, donc le comics qui aurait été utilisé pour faire ce film. Ah bon, d'accord, bon. On aurait cherché loin. Est-ce que ce comic se lit en 1h30? C'est la grande question. Je pense que non. Après, c'est aussi inspiré parce qu'on n'a pas parlé d'un personnage qui est Shriek. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Mais du coup, elle sort d'un comics de Lia Spiderman dans les années, je crois que c'est début des années 90, qui justement introduit un peu ce personnage et qui forme une bande avec Carnage. Donc c'est aussi inspiré de ce comics. Mais bon, c'est vrai que c'est un personnage, on n'en a même pas parlé, mais effectivement, elle a des passages tellement incohérents qu'on a du mal. On a du mal à la situer dans le scénario et au final, à la fin, elle part dans les oubliettes, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'elle a, on ne sait pas c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait. Ces pouvoirs qu'elle a, on parle de mutation, on dit c'est les mutants, on ne sait pas, ça se trouve, alors c'est quoi, c'est les X-Men, on ne sait pas, on ne sait rien. On la voit, elle a eu une relation par tuyau avec Cassidy, parce qu'il lui a envoyé des messages dans un tuyau, ils savent pas, on sait pas vraiment s'ils sont vus, s'ils sont pas vus, s'ils sont parlé, s'ils sont soutenus. Bah, ils se marient à l'avant quand même. Après, est-ce que c'est pas un coup de folie comme ils font, mais ils ouais, ont ouais, non, mais relation. Alors, rien que ils ça, rien depuis que se marier à la fin, tout ce qu'on sait. Ouais. Alors, ouais, non, je veux dire, on sait rien en vrai, on ne sait strictement rien de leur relation. Elle, on sait rien de ses origines. Enfin, on sait pas qui, on sait pas d'où elle vient pour. Vraiment, genre, non, c'est ça qui manque le plus au film. C'est qu'on sait rien. C'est valeur ajoutée aussi dedans, quoi. Parce que... bah, c'est pas une valeur ajoutée. Parce que franchement, t'as pas Shriek, ça change rien. Mais si, ouais. En fait, alors, le problème qu'il y a, elle est juste là. Ose me dire que ça change tout l'histoire. Elle est juste là pour servir de comme son pouvoir, c'est d'envoyer des ultrasons avec sa voix, et que c'est le point faible de Venom. C'est juste ça. En fait, voilà, la seule raison de sa présence. C'est simplement ça. C'est leur ouais, fait, mais même ça c'est mal exploité. C'est-à-dire que Carnage, il veut pas qu'il crie, ils n'arrivent pas à travailler ensemble et il finit par la tuer. Enfin, t'as Eddie et Venom, c'est bon, ils s'entendent pas, ils sont pas fusionnels comme nous. C'est bon, allez. On est une team. On est une team, voilà. Et là, il y a Black Canary qui arrive et qui fait un gros son. Voilà. Non, mais pour dire, c'est effectivement Shriek. Shrek, ça lui va bien. Bon. Elle retourne chez DreamWorks. Et non, mais le truc, c'est que elle est inutile dans ce film. Enfin, même si elle crie et qu'il n'aime pas ça, Carnage, enfin, c'est pas possible. C'est bâclé. Tu sais pas comment ils sont rencontrés, comme vous avez dit. Tu sais pas pourquoi ils sont amoureux. Enfin, tu sais pas. C'est tellement bâclé. Puis elle pète son cap parce qu'elle voit sur la une qu'il va être tué, enfin qu'il va être... Comme tous les trucs dans ce film. Ouais. Comme tous les personnages, tout a été bâclé, le background a été bâclé. Même le flic, je me rappelle plus comment il s'appelle. Celui donc qui a les yeux qui changent de couleur à la fin. Qui est censé être toxique. Mulligan. Voilà, Mulligan. Mulligan. Patrick. Ouais. Patrick. Patrick Mulligan. Patrick Mulligan. En fait, lui, le seul truc qu'ils font pour nous expliquer que c'est lui qui est au début, c'est un gros plan sur son badge. C'est vrai. Non. C'est un gros plan sur son badge. À un moment, il dit non, il dit parler plus fort parce que j'ai une oreille qui. À un moment, il dit parler plus fort, j'ai une oreille. Oui, c'est vrai, c'est tout. Non, mais je veux dire, c'est quand même mal. J'en ai parlé avec plein de gens qui n'avait même pas fait attention, même à la fin du film, quand il dit « parler plus fort, j'ai un problème avec l'oreille », il n'a pas fait le rapprochement. C'est-à-dire que si, vraiment, tu as la scène où elle crie dans le camion, là, et où tu as un zoom sur la plaque où il y a marqué son nom, et tout de suite derrière, on passe la zone dans le commissariat, la scène dans le commissariat où tu as Eddie Brock qui rentre parce que tu as Cassady qui veut que ce soit lui qui l'interview, et lui il dit mais non, et il prononce son nom, il dit moi je veux pas, ça m'intéresse pas Mulligan, voilà. C'est vite fait, je trouve que c'est mal exploité, mal expliqué, c'est mal foutu. Il aurait fallu une heure de plus pour expliquer l'origine de Venom et des symbiotes de manière générale. Il aurait fallu aussi expliquer comment on arrive Cassady, déjà. Oui, mais... Toi, le truc, c'était intéressant de dire que c'était un psychopathe depuis son enfance, qui a tué sa grand-mère, qui a tué sa mère, autrement que... D'ailleurs, ça, c'est le seul truc qui est fidèle aux comics quand tu regardes sur la vie de Cassady. Hein. Ouais. Parce que, normalement, enfin, dans les comics, ils partagent la même cellule que Eddie Brock, et que, bon, la circonstance fait que Venom vient récupérer Eddie Brock, et puis, quand il s'en va, Venom, il laisse un morceau de lui qui devient Carnage, etc. Là, Là, mais bon, là, c'est juste les origines de Cassady où il tue sa grand-mère, etc. C'est vraiment le truc qu'ils ont gardé. Enfin, ouais. Moi, je dirais que c'est ça le point positif que j'ai aimé. J'aimais bien le style graphique qu'ils ont utilisé pour le dessin. Ah oui, le dessin. Pareil que toi. Avec du sang, etc. Oui, c'est vrai. Mais, c'est mon même, point positif. L'autre truc qui est bizarre, c'est quand... tu sais, t'as Venom qui regarde avec Eddie un coin de la pièce, etc. Et puis, ce qui leur permet plus tard de retrouver les corps. Et il rentre dans l'appartement d'Eddie. Et puis, il se met à dessiner plein de trucs. Et puis, Venom, il fait « Bah non, t'as pas vu ? Attends, je vais te montrer. Bah non, t'as pas vu ? Bah attends, t'es journaliste, t'es censé découvrir le truc, je le fais moi-même. » D'où il sort ça, Venom ? D'où il sort ça ? D'où il sort ça, cette... Et puis, il te dit c'est évident qu'ils sont là, les corps. Et puis, d'où il sort ça, que c'est cet endroit-là, quoi. Et le mec, il tape sur Google paysage de falaise, boum, tu vois. Il tombe sur le même plan. Il tombe, c'est-à-dire qu'il tombe sur le même plan, à la même échelle, au même truc. Parce que c'est... Enfin, ouais, non, c'est... Ah, il est vénère, Eddie, là. Vous voyez pas, mais il a les yeux rouges. Ah, ouais, non, là, j'ai la... Ah, il est pas bien. Là, il est pas bien. Il y a la tienne, là, ce c'est mordu un ongle. Ah, là, ça... Bon, on va quand même revenir. Il y a beaucoup de potentiel et ça a été complètement gâché. Oui, complètement gâché. Oui, parce qu'ils auraient pu faire beaucoup plus de choses. L'univers de Venom est très intéressant, mais ça a été complètement gâché. Quand même. Donc du coup, il lâche l'écran. On va revenir quand même à la scène préférée de. Il lâche l'écran et puis il dit ce gars. Alors la question que j'allais vous poser, c'est à quel moment il apparaît. Moi déjà, je veux pas qu'il apparaisse. Si non mais. Genre, je ne veux pas de Venom dans la MCU. Ok, c'est juste le fait que, pour moi, la MCU, comme Stan Lee l'a toujours dit, est un reflet du monde. Genre, t'es supposé pouvoir t'identifier dans chacun des personnages de la MCU. Et c'est pour ça que Stan Lee, il était si fier de la cinématographie de la MCU, parce que c'était ressemblant à ce qu'il voulait dialoguer pendant ses comics. Que ça soit Iron Man, quand tu fais de l'anxiété, tu peux t'associer à lui. Que ça soit genre Black Widow, que ça soit Loki, que ça soit... Tu peux t'identifier au personnage. Mais je suis désolée, je trouve que l'univers, comment est-ce que Venom a été si mal apporté, ne fit pas du tout avec la MCU qu'on connaît. Et je suis peut-être la seule à penser ça, mais je trouve qu'en ce moment, Venom ne fit pas avec l'ambiance que la MCU... Même si, admettons, la MCU s'en va dans un côté... plus obscur dans tout ce qui est dans Multiverse of Madness, ou même genre là on a eu justement des interviews avec Tom Holland qui disait que le prochain film de Spider-Man ça va être trois fois plus sombre que les deux premiers et triste que les deux premiers. Ok, fine, on voit que Marvel s'en va dans un univers un peu plus sombre et un peu plus dramatique entre parenthèses, mais il reste quand même le fait que je trouve que la façon dont Venom a été intégré dans ces films, que ça soit son humour, que ça soit sa façon d'être, que ça soit l'ambiance du film, ça ne fit pas avec la MCU qu'on connaît en ce moment. Et je suis peut-être la seule à penser ça. Il faut qu'il l'intègre vraiment bien. Genre, via le multivers. Justement, Eddie, tu trouves que... Alors, après, c'est ta position, mais bon, personnellement, je suis content qu'il soit dans la MCU. Mais est-ce que tu trouves qu'il est bien amené dans le MCU avec cette scène post-générique, ou est-ce que c'est à l'image du film bâclé ? C'est à l'image du film, c'est complètement bâclé. C'est-à-dire qu'on attend une scène post-générique sortie de nulle part pour t'introduire pour l'introduire dans le MCU. Il y a d'autres trucs parce qu'il y a plusieurs conséquences. Mais c'est absolument incohérent. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est que mettre Venom maintenant dans le MCU, c'est complètement incohérent. Ça n'a aucun sens. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Mais est-ce que tu es content quand même qu'il soit dans le MCU ? Non, mais il aurait fallu qu'il soit avant déjà. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'à la rigueur, qu'au départ, mais dès le 1, toi, qui soit d'office dans le MCU, qui soit en rapport avec Spider-Man, et après, éventuellement, qu'il quitte New York, qu'il aille à San Francisco, et qu'il nous fasse des films Venom dignes de ce nom, oui, là, j'aurais dit oui, mais là, ils font tout à l'envers, en fait. Le problème, c'est ça. Alors, le premier truc qu'ils ont fait à l'envers, c'est qu'ils ont mis Venom comme s'il allait direct sur Eddie Brock. Ça, c'est le premier truc à l'envers. Parce que à la base, Venom, la première personne C'est pas supposé d'être Eddie. C'est pas Eddie du tout. Hein. À la base, c'est comment? C'est Peter Spider-Man. Parker. Donc. À la limite, on peut l'expliquer avec les multiverses, les multipossibilités, oui, bah, etc. C'est la seule explication que t'as. En parallèle, ils veulent pas raconter la même histoire, etc. Mais moi, effectivement, ce que je reproche, à la limite, c'est même pas ça. Parce que ça, à la limite, si c'est bien introduit, ça pose pas de problème. Mais ils ont tellement tout bâclé au profit de l'action en faisant des films d'action de série B des années 90, qu'au final, effectivement, tout paraît incohérent par rapport à du MCU qui est construit sur du long terme. Avec des liaisons qui sont faites le plus progressif possible, etc. Donc, effectivement, si on part de ce principe-là, les Venom sont complètement en marge de ça, et les introduire comme ça aussi brutalement, bah, en fait, ça les décrédibilise encore plus. Et surtout que quand il apparaît dans l'univers de Spider-Man, ils t'expliquent qu'ils ont des pouvoirs ou qu'ils ont une connaissance ancestrale, puis boum, ils arrivent dans le monde. Même lui, d'un coup, il ne comprend plus rien ce qui se passe. Tu vois, tu vois qu'il a été apprêté à t'expliquer quelque chose qui pourrait être intéressant au final, en parlant de la ruche, etc. Et puis d'un coup, bam, même lui dit bah, attends, je ne comprends pas ce que je fais là. Parce qu'au début, moi, je croyais que c'était lui qui avait décidé de changer d'univers, tu vois, quand il parle de pouvoir de la ruche, je ne sais pas. Tu ne sais même pas. Ouais, moi, je pensais qu'il nous aurait montré un genre de truc. Est-ce que moi aussi, pareil. Moi, je pensais que c'était ça. Est-ce que c'est Knoll qui l'a mis là-dedans? Tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que bah avec ce qu'a fait Sylvie bah boum ça a bouleversé le multivers, mais bon est-ce que c'est pendant la même période, ça tu sais pas trop. Non mais c'est ça, moi ça me donne l'impression que oui c'est dans la même période, dans le sens où c'est au moment où les multivers se brisent et que là tout s'ouvre et que je sais pas, Venom il a transplanté de l'univers ou je sais pas trop, mais après je trouve que je veux dire ça aurait été tellement mieux qu'on ait une vision de sa planète, genre, qui montre à Eddie, regarde toutes les possibilités de l'univers. Il aurait fallu qu'il montre à Eddie un petit peu. C'est ça, Eddie, on aurait dû montrer à toi. C'est ce qu'on disait avec Eddie, c'est qu'il fallait qu'il montre la planète d'où ils viennent, qu'il fait tout en osmose avec les espèces, etc. Parce qu'un symbiote a besoin d'une autre espèce pour survivre, etc. Genre montrer que justement y en a plusieurs, tu sais, que c'est pas les deux seuls symbiotes, que tu sais, genre voici ma planète, et que genre bon à la limite genre introduit Knoll, genre introduit genre ok ça c'est ma planète et regarde il y a ce mec qui existe genre, et qui peut me commander à distance s'il veut, tu vois. Ça aurait été une bonne introduction. Même l'idée même du symbiote, c'est-à-dire que quand le symbiote incarne une personne, bon il peut en acquérir les pouvoirs, mais il incarne la connaissance des personnes successives. Hein, sur lequel il se transporte entre guillemets. En plus, quand il, ça c'est un exemple, mais aussi quand il crée un autre symbiote, eh ben il a les mêmes pouvoirs que le symbiote précédent, plus d'autres. C'est ça. Et Carnage, par exemple, lui, il a un lecteur USB, tu vois, dans le. Non, mais c'est dans la limite. Le mec, il arrive, tiens, je transmets mon doigt en clé USB. Et hop, tiens, ça glisse. Vous voyez pas, mais il y a Eddie qui se tient la tête. Hein. mais en fait, chaque symbiote qui naît d'un autre symbiote a les mêmes pouvoirs que le premier, que le père, entre guillemets, plus un nouveau. Et Toxine, bah, du coup, ça va être pareil. Hein. Il va avoir les mêmes pouvoirs que Carnage, plus un nouveau. Voilà. Tu vois, ça serait pas mal d'expliquer. Tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'il en a peur, Venom, parce qu'en fait, il sait que ça vient de lui, et donc il est plus puissant que lui. Bon, après, il est rouge aussi, ça peut faire peur apparemment. Mais pour dire, ça il aurait fallu effectivement, comme dit Eddie, c'est à ce moment-là dans cette pause générique au moins faire 2-3 flashbacks. Mais bon, c'est un post-gène, hein, ça ne doit pas durer plus d'une minute. Ça aurait été plus intéressant, tu vois, la scène post-générique qui te montre, toi, comme s'il fait tomber Eddie Brock en une espèce de transe, il lui montre ce qui se passe et pendant qu'il est en train de montrer, le multivers se brise et quand il se réveille. Il a vu tout ce qui s'est passé et quand il se réveille, il est plus. Bon, là, oui, ça aurait été cohérent, ça aurait été bien. Mais là, non, ils font tout de travers. Ils ont tout fait de travers. Parce qu'il n'a pas été fait par des fans, des connaisseurs. C'est sûr. Oui, mais moi, ce que j'ai. Je n'ai rien entendu. En plus, que Ebug de l'année. T'as un caribou qui s'est assis sur la ligne ou quoi? Ah, c'est bon. sur le clavier. Sur le clavier. J'étais bah fait ouais, pirater c'est par vrai, Carnage. Il y a Carnage qui est arrivé. Tiens. Hop. Non, sûrement que j'ai pas encore très bien programmé mon nouveau setup. Non, c'est ça. Je disais que moi, ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais préféré, c'est qu'on a déjà des grosses rumeurs comme quoi que Knoll, il va arriver dans la MCU. Il y a déjà plein de rumeurs comme quoi le personnage va arriver. Donc, c'est sûr qu'il va arriver lié à Venom. Donc, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu faire une scène post-générique qui montre Venom, qui montre à Eddie son univers et notamment le Knoll, qui c'est va faire en sorte de... sur un trône avec des symbiotes tout autour de lui. Et oui, bien sûr. Et que à cause de ça, justement, des le fait que Venom... avec des symbiotes attachés, et puis tu sais, Bambi qui saute avec un fond, tu vois, un truc comme ça. Et un arc-en-ciel. Et un arc-en-ciel, et licorne, voilà. Le fait que... Non, mais le fait que, justement, que tu as le fait que Knoll et... Vu qu'il a mis un fond d'écran... Attends, bouge pas. Attends. Comment on fait pour le virer, ça? Parce que c'est pas moi qui ai mis ça. Changer l'arrière-plan. La rumeur court que Knoll va arriver, mais qu'est-ce qu'il va faire dans Knoll? Qu'est-ce qu'il va faire Knoll? Oui, bah c'est ça, bah c'est Knoll. Oui, bah sur le trône, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais c'est ça. Tu aurais pu faire une scène post-générique comme ça avec Knoll sur sûr, le évidemment. Trône, qui fait en sorte que Venom il serait introduit dans la MCU via Knoll qui a été annoncé dans la MCU. T'imagines un truc comme ça avec genre il lui montre Knoll avec les symbiotes autour, et puis t'as un moment, c'est un. T'imagines cette scène-là, et puis là, il y a Knoll qui regarde Venom, c'est à travers ses yeux. Ça, wow, oui, putain, c'est ça, genre boum, comme s'il était au courant. Comme s'il le voyait en train de montrer à Eddie la planète d'où ils viennent. Sur son trône, exactement. Comme ça, ça me fait penser à Thanos. Ouais. Oui, bah, à la limite, il l'aurait fait différemment, il l'aurait peut-être pas mis sur son trône, oui, je sais pas trop. Mais moi, je trouve que ça aurait été une plus belle scène post-générique et une meilleure introduction que juste Venom qui liche l'écran de la télévision en mode genre Tom Holland. Non, il dit ce gars. C'est oui, mais même, genre, je veux dire. C'est gars, c'est plus fort que toi. Je dirais que c'est vraiment c'est la pire pas. Introduction. Master System 2, Venom. Monsieur. Et oui. Non, avec Alex Kidd. Alex Kidd à Chilly World. Ouais. D'ailleurs, tu sais qu'ils l'ont fait sur Switch? Ouais, je l'ai. Ouais. Et ils ont gardé la même saveur ou pas? Ouais. Et t'as pu, tu joues super bien à pierre feuille ciseau? Bah, évidemment. Ah, t'as pris la pierre pour voir ce qu'il va dire. C'est ça. C'est tout bien. C'est toute mon enfance. Avec le bouton pause, t'as appuyé pouf. Voilà. Bref, Danaï, tu peux pas comprendre. Voilà. Mais, c'est ça, c'était un vrai setup, comme tu dis. Mais bref, oui. Mais du coup, justement, quel avenir pour Venom dans le MCU, Eddie? Ou quel avenir, plutôt, je pensais, quel avenir dans le prochain Spider-Man? Parce que, pas le moins. Non, il ne sera pas dans le prochain Spider-Man. Non. On l'aura tué avant. S'il vous plaît. Non, le truc, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il y a le trailer de Morbius qui est sorti. Attends. C'est très intéressant ce que tu dis. Tu dis... c'est pas dans le prochain Spider-Man. Ça non. Voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il sera encore dans la MCU? Ouais, pas ouais, dans ouais. No Way Home. Ouais. Non, parce que alors, je vais vous expliquer. Je vais vous dire moi ce que je pense qui est possible, qui va arriver. Vas-y. Le souci, c'est que là, tel que Venom le voit dans la scène post-générique, tel qu'il voit Peter Parker dans la scène post-générique, il le voit comme un super méchant. Donc Venom, lui, il voit voilà, comme l'impossibilité enfin de pouvoir démontrer ou de pouvoir utiliser ses pouvoirs contre un adversaire à sa hauteur. Tu vois ? Donc il va vouloir travailler comme faire le super-héros contre un super méchant, en fait. Tu crois qu'il le voit comme un mec à manger ? Ah oui. Ah bah oui, pour il lui, voit, voilà. Tu le vois pas comme s'il l'avait connu ? Non, pas du tout. Oh putain, et moi j'ai. Mais non, c'est parce que toi tu sais, parce que. Toi tu sais. J'ai l'impression. Mais non, que mais moi, comment tu veux qu'ils le connaissent? Comment tu veux qu'ils le connaissent? C'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est impossible qu'ils c'est le connaissent. C'est impossible qu'ils mais le connaissent. C'est ça qui fait en sorte. Si, il y a une théorie. C'est ça qui fait en sorte que la scène elle est hyper bizarre. C'est pour ça que la scène elle est hyper bizarre, parce que le mec il liche l'écran et tout ça comme si genre, oh my god, je connais ce mec, je sais pas trop quoi. Non! Je peux pas le connaître. Après, s'il a une mémoire de du multivers, comment tu peux le voir comme un méchant à bouffer? Je comprends pas. Ben si, parce que lui, c'est le létal protecteur. En fait, lui, ce qu'il veut... Il le dit, oui, c'est vrai. Non, mais il le dit plusieurs fois. En fait, ce qu'il veut, voilà, c'est bouffer les méchants pour débarrasser la Terre de tous les méchants. Et là, il voit un super méchant. Il voit, voilà. Donc, il voit, pour lui, c'est une glace. Il lèche l'écran et il dit... Mais pourquoi est-ce qu'il considère comme un super méchant? Parce que malgré toute la connaissance qu'il a dans son crâne d'une civilisation apparemment avancée, il est ultra sensible et ultra manipulable par les médias, apparemment. C'est juste que les médias disent qu'il est méchant, donc du coup... Comme quoi, il faut se méfier des médias. Ouais. Mais oui, mais on voit pas grand-chose à la télévision. On voit juste Tom Holland qui a l'air rouge. En même temps, il regarde une télé-novela à la base. Vous pouvez oublier. Mais alors, du coup, tu penses qu'il n'est pas de, il ne sera pas au prochain. Je pense qu'il en fera une petite apparition. Non, mais je pense qu'il peut faire partie d'une équipe genre les Thunderbolts ou les Dark Avengers ou un truc comme ça. Ouais. Moi aussi, parce je que ça. J'ai commencé à lire Dark Reign là. Ouais. Et donc, ça se passe juste après Civil War. Et c'est. Avec ce qu'on a vu, Valentina de Fontaine, ouais, qui a été recrutée. Ça serait elle qui dirigerait les Thunderbolts, alors du coup, pour toi. Bah, c'est ça, et puis donc il y aurait US Agent qu'on a vu qui a déjà été recruté dans Falcon and Winter Soldier. Mm-hmm. À la fin de Black Widow, on voit qu'il recrute Yelena Belova. Je pense que ce serait pas incohérent qu'elle monte une équipe avec les Avengers, un peu à la manière de Norman Osborn dans Dark Reign. Quand il prend l'équivalent méchant de chaque super-héros, t'as lui, donc Norman Osborn, qui est Iron Patriot, donc c'est Iron Man. T'as Venom qui remplace Spider-Man. T'en as un paquet là-dedans. Bref, tu parles des premiers sous Norman Osborn, tu parles, non? Ouais, c'est ça. Les premiers, t'as les Zemo. Dans l'équipe originale, t'avais Zemo dedans. Après, il y a Sentry, il y a. C'est qui remplace Thor? C'est pas Hercule, c'est comment? Enfin, bref, il y a à chaque fois un équivalent négatif aux héros des Avengers. Voilà, qui en font partie. Et je pense que la seule façon logique et intéressante qu'on intègre Venom au MCU, ce serait qu'on l'intègre dans une équipe de super vilains comme ça. Moi, je suis d'accord avec Eddie. Super vilain. Ça serait une bonne introduction pour Venom d'être introduit dans une équipe comme ça. T'as Peter Parker qui se promène dans la ville et tout d'un coup, Venom, il lui tombe dessus, genre. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, en fait. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Le truc qui serait vraiment bizarre, c'est que tu es les trois Spider-Man en train de combattre les Sinister Six, puis d'un coup, il apparaît Venom pour les aider. Tu sais pourquoi? Attends, il vient de dire quelque chose d'intéressant. C'est flippant parce qu'il n'y a pas les Sinister Six pour l'instant. Non, oui, mais bon. Parce que là, tu as l'homme sable, tu as Electro. Non, je vais remettre la fiche. Attends, t'as l'homme sable, t'as Electro, t'as le bouffon vert, t'as Docteur Octopus et t'as le lézard de confirmé. Donc ça fait 5, il en manque un sixième. Attends, je regarde la fiche. J'espère que le sixième c'est pas Venom. J'espère aussi que le sixième c'est pas Venom et qu'ils vont pas nous faire les Sinister Six avec ça. Si c'est Venom le sixième, je vais être un peu déçu. Non, parce que je ne pense pas, puisque il est omnubilé, Eddie Brock, de ne pas être du côté des méchants. Donc, s'il n'est pas con, il ne sera pas de ce côté-là. Mais s'il pense que Spider-Man, sur c'est un méchant... Tu vois l'homme sable. Sur la fiche, tu vois le sable, donc de l'homme sable, d'accord. Tu vois Electro. Mm-hmm. Tu vois l'éclair d'Electro. Tu vois le bouffon vert sur son surf, ça fait 3. Tu vois l'Octopus. 4. Et on va dire que l'une des pinces d'octopus, ça fait comme une queue de lézard, d'accord? Parce que je vois pas le lézard. Non, mais il me semble qu'il a été confirmé le lézard. Oui, il a été confirmé. On voit à la limite, ça fait comme un lézard. Ça fait 5, effectivement. Donc il n'y en a pas 6. Ouais, alors du coup, ouais, ça ferait chier que ce soit Venom, soit le 6ème. Moi, je veux pas que ça soit Venom. Ils mettent Venom. Non, parce qu'ils veulent vraiment qu'il soit pas le méchant. Ils veulent vraiment pas être méchant. Oui, ils veulent pas être méchant. Ils vont te sortir. Ils les méchants. Oui, mais ils vont peut-être te sortir l'excuse en mode genre Venom, il est pas au courant que les Sinister Six, c'est eux les méchants. Genre, il pense que Spider-Man, c'est lui le méchant. Donc, c'est correct. Tu fais du rangement hein. Non, je sais pas. C'est... La conne a fait tomber des trucs sur la main. Et le vautour. Mais non, le vautour, non. Parce qu'il y avait non, eu Morbius. Ah ouais, mais justement, voilà, le vautour, il vient après dans Morbius. Et là, et là, c'est pareil, c'est incohérent. Incohérence encore plus que Venom. Le trailer de Morbius. Le trailer de Morbius. Je pensais flippant, que le vautour. Ce qui est flippant quand même, c'est quand il t'explique quand t'as eu la scène post-jet, t'as quand même Kevin Feige qui a fait. On a vachement travaillé pour que l'univers de Sony et le MCU puissent être cohérents, machin. Quand tu regardes, tu fais, enfin, t'as vraiment travaillé comme ça, putain, il y a un problème. Du coup, t'as peur de te dire, quand il dit ça, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il a prévu? Est-ce qu'il a prévu que Morbius va arriver aussi avec le vautour dans le MCU? Et tu te dis, putain, mais si c'est travaillé comme ça, ça fait peur. Hein. À la fin, ça va être un gangbang, man. Ils vont nous donner ça tous en même temps. Ça va mal finir. Je sais pas. Ça se trouve, en off, il y a un putain de contrat qui prévoit... Ça se trouve, hein, tu sais pas. Il y a un putain de contrat qui prévoit que le monde de Sony avec le MCU, ben voilà, ils vont faire comme Spider-Man, ça se trouve. Non, mais, c'est... Mais oui. Parce que t'en as qui disent, eh bien, ça va être la dernière de Spider-Man au MCU. Perso, je suis pas sûr. Hein, pour moi, non, justement. Disney, ils sont capables de payer... Ils sont capables de payer des milliards pour avoir Spider-Man. Hein. Moi, je pense que c'est la dernière apparition de MJ, mais pas de Spidey. Mais je pense vraiment que c'est la dernière apparition d'MJ, par contre. Ça, c'est pareil, ce serait incohérent. Tu veux faire quoi? Tu veux faire mourir MJ? Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas MJ qui doit mourir dans l'univers de Spider-Man, c'est Gwen Stacy. Parce que là, on ne connaît pas Gwen Stacy. Je sais, mais le problème, c'est que Zendaya laisse tellement, justement, d'indices comme quoi... C'est sa dernière apparition. Zendaya fait tellement une mauvaise MJ que. Genre, je veux dire, elle a. Ça, Landry, il n'a pas dit ça. Hein. Ah non, j'ai pas dit que je n'aimais pas Zendaya, bien au contraire. Déjà, Zendaya a énormément de contrats dans d'autres films. Donc, je veux dire, est-ce qu'elle a vraiment le temps de continuer ses contrats avec Marvel alors qu'elle a des contrats à la PLT, elle a genre 10 films de prévu pour les 5 prochaines années? Et de deux, il reste qu'elle n'arrête pas de le dire dans les interviews. Elle dit tout le temps genre, ah ouais, quand on était genre dans la dernière journée, on a dit adieu à tout le monde et tout. C'était hyper émotif, c'était triste parce que c'était la dernière fois. Genre, les gens, ils buguaient. Ils étaient comme genre, comment ça, c'était la dernière fois? Je fais une aparté. Je suis sur un site internet qui s'appelle E-Tech. J'ai tapé juste Sinister Six, Spider-Man, No Way Home. Et ils disent qu'un journaliste, Jeff Snyder... Bon, après, attention, hein, c'est le problème des rumeurs chez le MCU, c'est insupportable. La liste des ennemis de Spider-Man se compensera des précédentes incarnations ayant déjà affronté une version du Tisseur, le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, l'Homme Sable, le Lézard, Electro et Rhino. Ah, j'allais dire Rhino. Mais j'ai rien vu qui ferait passer Rhino. Rhino, on le voit mort dans l'Amazing, donc dans le 2. Oui, c'est ça. Bon, mais théoriquement, ils peuvent faire comme avec Octopus. Là. C'est théoriquement, Octopus, il tombe dans le feu, il avait l'air d'être mort. Mais si le moment où il tombe dans le feu, en fait, il tombait pas dans le feu, mais il tombait justement dans un portail dimensionnel qui s'ouvrait. Oui. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Mais ils peuvent faire la même chose avec Rhino. Et d'autres qui pensent que ça serait Mysterio qui reviendrait. Il serait pas vraiment. Oh non, pas lui. Non, Mysterio, pour moi, il est mort. Non, c'est ça. Non, pas Mysterio quand même. Un acteur comme Jake Gyllenhaal, je veux dire, aussi connu et tout, on l'aurait su tout de suite qu'il était dans le casting. Il y a tellement des gens qui le suivent tout le temps. Genre, c'est pas un acteur qui peut se cacher. Non. Vous y croyez peut-être à Rhino, vous? Je sais pas. Bah, moi, je préfère. Alors, honnêtement, je m'en bats les reins, comme on dit dans le jargon. Mais je préférerais que ce soit Venom. Rhino que Venom. Pas, Venom, c'est vraiment pas sûr parce qu'il enfin le Venom qu'ils mettent au MCU, du moins dans le Sony, mais après MCU du coup, n'est pas du tout le même que celui des comics. C'est pas du tout le même. Mm-hmm. C'est pas du tout le même. Dans les deux cas, pour gentil, et comme pas. Tu l'as dit, je vais interviewer des gosses de 10 ans, ils ont adoré parce qu'il est rigolo, il fait pipi caca, il a une grosse voix, comme tu l'as dit. Ça se trouve, c'est le public qui vise, hein, comme le public de Spider-Man. Enfin, hein, des gamins gosses, de 10 ans qui vont au cinéma voir Venom 2, je trouve que c'est un peu louche quand même. Hein. Ah bah moi, je les ai invités, si tu veux, je t'envoie les rushs. Non, mais c'est... non, je te crois, mais c'est chaud, quoi. Par contre, ton vlog, tu l'as mis sur ton YouTube ou pas? Non, bah non, j'ai eu des problèmes de son, j'ai eu que des galères avec ce film. C'est pour ça que je dis c'est le film. En tout cas, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube sur Serial Vlogger. Hein, voilà. C'est gentil. Sur la description. Mais en tout cas, je pense pas que dans l'MCU ce soit un méchant. Non, ce sera pas un méchant. Moi, je trouve que dans les deux cas, que ce soit Rhino ou Venom, ça n'a pas rapport. Enfin, ils sont pas. Ils sortent de nulle part, genre. Bon, on verra bien, de toute façon, ce qu'ils vont en faire. Après, ça peut être le Kaïd aussi. Ah oui, surtout que le Kaïd, je... Dans les... Attends, c'est pas... Non, ils peuvent nous ramener Donofrio, tu sais, le Kaïd de la série Daredevil. Ouais. Moi, à la limite, je préférerais mieux ça, genre. Le meilleur. J'adore cet acteur. Ah oui. Je préférerais mieux ça. C'est des très bonnes omelettes, d'ailleurs, il paraît. Et c'est pas le Kaïd qui. Mais si, c'est pas le Kaïd qui avait une équipe de Thunderbolt aussi. Que t'avais. Okay, je vais regarder. T'avais Norman Osborn, c'est sûr. Je vais regarder. Est-ce qu'il en avait une équipe de Thunderbolt? Est-ce qu'il en dirigeait une? Bon, allez. Wikipédia. Oh. Non, pas Wikipédia. Bon, on va regarder quand même. D'après Wikipédia. Ah si! Il y avait une équipe du Kaïd avec Taskmaster. Ouais, Rhino. Qu'on a déjà vu. Qu'on a complètement détruit. Malheureusement. Qu'on a malheureusement déjà vu. Oui. Non, c'est un peu comme Venom, c'est le truc vachement mal exploité, quoi. Mais Mister Fear. Ah, il en avait quand même dirigé une. Putain. Je vous remercie pour ce podcast. Je vois que vous avez aimé ce film, c'est super. C'est mon film préféré de l'année. Le prochain, ça sera sur The Eternals. Qui l'a vu? Moi. Alors? Je lève la main. Alors, il est bien? Il est très bien. Oui. Franchement, il y en a qui... Et j'ai tellement de choses à dire. Et moi aussi. Et alors, je pense qu'on va se rejoindre avec Danae sur l'aspect mythologique. Ah oui, mais non, mais j'ai tellement de trucs mythologiques à dire sur ce film. Je dois avoir 50 vidéos à faire. Alors, ce que je propose, c'est que le prochain, on le fasse d'ici 3 semaines ou 2 semaines, et puis je prévois 4 heures de podcast. Ben là, sachant que pour un film d'une heure et demie, on a fait une heure et demie. Voilà, un film de 2h40. On fera 2h40. Et il paraît qu'il y a deux scènes post-gène en plus, donc Il y aura de quoi dire. Non, c'est un très bon film. Déjà, je vais finir de publier mes vidéos de Shang-Chi et après, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre la série de 10 vidéos. Allez voir la vidéo de Shang-Chi que tu as faite sur Shang-Chi sur la mythologie asiatique. C'est ça? J'ai pas fini. Moi, je vais aller la voir. Je vais aller voir. Est-ce qu'on va revoir. Tiens, Maurice, son intégration dans la MCU, t'en penses quoi? Je vais en parler justement. C'est la prochaine vidéo mythologie que je parle, c'est de Maurice. Parce que. De Maurice Crois-le pas ou non, mais c'est une créature mythologique de la mythologie chinoise qui existe réellement et qui ressemble à ça. Là. Ils l'ont hyper bien intégré, Maurice, dans Shang-Chi. C'est dans Shang-Chi, on voit bien qu'il y avait un condensé de monstres mythologiques. Il y en a un seul qui a été mal intégré, et c'est le Feng Huan, qui a été hyper mal intégré, parce qu'il a été trop américanisé. Mais bon, c'est un détail. On le voit genre 2 secondes, donc on s'en fout. C'est qui ça? Le Feng Huan, c'est-tu les oiseaux en feu là que t'as vu genre? Ah d'accord, ok, ouais. L'espèce de phénix. Ouais, c'est ça, mais on les appelle les phénix chinois, mais c'est pas du tout des phénix, ils sont pas en feu. ils sont éternels, oui, mais il n'y a pas de feu du tout sur le phénix. Il y a peut-être quelqu'un qui les a cramés pour vérifier s'ils sont éternels. Ouais, c'est ça. Shang-Chi, en arrivant dans la ville, il les a cramés avec un bruit. Non. Bon, on aura tout le temps d'en parler, en tout cas, de, des éternels. Alors, il faut qu'on en fasse un sur les éternels, il faut qu'on fasse un sur les... pour ceux qui savent pas, mais tout le monde le sait, il y a le Disney Plus D vendredi. Mm-hmm. Avec d'ailleurs une partie spéciale sur Marvel, les séries, les films. Yes. Il y a Hawkeye le 24. Alors, c'est deux épisodes d'un coup qui sortent. Yes. Donc, il y aura du podcast en novembre, en décembre, je vous le dis. Attention. Les stylos et préparez-les. Et puis après, il y a Morbius. Hein, donc, ouais. Que Eddie attend avec patience. Oh là là, le soupir. C'est le soupir. Ouais. Mais non, mais non. Alors, sachez qu'il y a Batman dans Morbius. Oh. Quoi? Quoi? Non, mais elle n'est vraiment pas la DC Comics à l'intérieur de Marvel. Là. Ouais. Pas maintenant. Ça, c'est dans 20 ans quand ils auront écoulé tous les sujets. Non, même pas dans 20 ans. Jamais. C'est le premier acteur, Michael Keaton, a vu Batman. J'ai pas compris. J'ai dit à Danae, tu peux pas comprendre parce que Michael Keaton était le premier Batman. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a Batman dans... Il était énorme. Ouais. Bah, après, chez nous, c'est le sosie de Julien Lepers, tu vois. Il lui manque juste les cartes. Oui. Vous allez crever. Oui. Okay. Non, je sais pas si on peut dire un petit mot vite fait. Vas-y, dis. Tu veux parler de Morbius ? Allez, on y va. Allez, non, mais vite fait. Juste 3 minutes. Parce que c'est lié à Venom, en fait. C'est lié à Venom. Vas-y. En fait, je ne comprends pas comment ils vont pouvoir nous intégrer Morbius à Venom tout en l'ayant déjà intégré au MCU. C'est-à-dire qu'il t'intègre ce qui s'est passé dans les films Venom, dans le 1 et dans le 2, parce qu'ils te le disent, il s'est passé des sales choses à... On a eu la même chose à San Francisco. Voilà. Mais en même temps, on te retrouve le vautour du MCU, on te retrouve des affiches où Spider-Man est déclaré comme un meurtrier. Je ne comprends pas, encore une fois, je ne comprends pas où va ce film. C'est pas logique. La rumeur dit qu'il va durer 1h20. Non, je dis pas. 1h15. Non, mais par contre, j'espère qu'ils vont pas faire la même bêtise que Morbius. Il a quand même des origines très, très intéressantes quand même. Non, le film a l'air stylé visuellement. Déjà, ça a l'air vraiment. La gueule qu'il a, la couleur, la Leto, franchement, la tête qu'il a, quoi. Vraiment le vampire. Il est mieux qu'en Joker. Ouais. Oui, carrément. Ça se trouve, il y aura une ref au TVA. Parce que dans le TVA, on disait, ouais, on a même reçu des vampires. Ouais, c'est vrai. Ça se trouve, il y aura une ref. Ou Blade. C'est vrai. Blade. Oh, ouais, Blade. Je pense que ça peut introduire Blade. S'ils sont intelligents, ils peuvent peut-être faire quelque chose. Bon. Je ne vous en dis pas plus, mais on en reparlera bientôt. Alors, sache un truc, c'est que j'ai prévu un podcast sur Blade, notamment parce que c'est pas non plus un personnage très connu Marvel, et notamment de faire un débrief sur Wesley Snipes, hein, qui a joué les trois Blades. Il faut se retaper la trilogie. Mais le pire, c'est que quand tu les regardes, parce que j'ai regardé le premier, je dis, putain, c'est cool en fait. J'ai bien aimé, moi. On le regarde. Il y a beaucoup de choses sur l'acteur. À ce pareil, il est insupportable en tournage. Ouais. Il est excellent dans Demolition Man. Ah ouais, j'avoue. Mais moi, c'est un de mes films préférés. Le quoi, Demolition Man? Blade ou Demolition Man? Ah, Demolition Man, j'adore. Ah oui, il est énorme. D'ailleurs, si un jour quelqu'un connaît le secret des trois coquillages, on sera. Je suis preneur parce que ça me hante depuis mon enfance. Pareil. Vous avez fait de moi une putain de couturière. Vous avez une amende de 2 crédits pour non-respect du code du langage. Puisquoi ils écoutent des spots de pub de crêpes ou de pizza, je crois, à longueur des années 5. Des bébés, enfin des trucs. Des séries. C'est énorme. Je crois qu'ils font l'amour par VR, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Quoi ta merde là ? Attends, je vais te montrer comment on fait en vrai. On va mélanger nos fluides. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce film. Il est excellent en fait. Un rat burger ? Oh là là. C'est le meilleur rat burger que j'ai jamais mangé. Le podcast podcast qui commence sur Venom et qui finit sur, sur Demolition Man. Bah écoute, quoi moi je propose. Oui, tu disais. Non. Pour en parler des heures, celui-là. Et bon. C'est comme le cinquième élément, tu vois, ces genres de films, tu peux en parler pendant des heures. C'est culte. Mais, ouais, c'est culte. C'est green. Ouais. Sauf que Venom 2 n'est pas green du tout. Hein. Voilà. Non, si Ruby Rhodes nous écoutait, il ferait. C'est pas ouais. Green quand même. C'est pas green. Essaye d'avoir un peu plus de deux mots de vocabulaire. C'est pas non. On vous envoie un homme pour négocier. Mais où est-ce qu'il a pris à négocier? On se le demande. Bref, putain. En tout cas, on va faire un prochain podcast sur les Éternels, c'est prévu. Je vais le voir samedi. Donc, si vous voulez le faire d'ici 3 semaines, vous me dites, on le fait d'ici 3 semaines ou 2 semaines, suivant l'agenda de tout le monde. La Duchesse ne peut que le mercredi et le mardi. Donc, non, mais moi, dis ça comme si j'étais. Voilà. La Duchesse de Montréal. Moi, je me fais passer pour quoi, moi? C'est pas ma faute si je travaille jusqu'à minuit. Hein. T'arrêtes. Jusqu'à minuit? Bah oui, je travaille de 3h jusqu'à 11h30, mais le temps que je fasse mon clocher, bah, je sors à minuit. À minuit. Donc, on en fera, et puis il faut qu'on en fasse absolument sur le Disney. On fera en même temps, je pense, sur le Disney Plus D, sur ce qu'on nous attend le vendredi. Attends, là, justement, Eddie, qu'est-ce que tu attends du Disney Plus D? Alors, sur Marvel, hein, bien entendu. Hein. J'attends d'être surpris. C'est-à-dire J'attends d'être surpris, je sais pas. J'attends rien en particulier, mais j'attends, voilà. Des belles surprises, comme on a eu cette année. Cette année, on a eu des belles surprises, moi, personnellement. Moi j'aimerais un petit peu d'indice sur Multiverse of Madness. Un petit 30 secondes. Non, t'en auras pas. Non, tu crois que t'auras des bandes-annonces de films? Pas sûr. Peut-être de séries. Peut-être de séries, vu qu'ils ont fini de tourner certaines séries. Je pense que t'auras peut-être des extraits de certaines séries. Ouais. Mais films, j'y crois pas. Plus d'extraits de Hawkeye, genre. Ah non, je pense que tu auras plus du She-Hulk ou du Miss Marvel peut-être. Ouais. Mais je pense pas que tu es. Peut-être un peu de Miss Marvel. Il sort 2 semaines après. Non, ou sinon un peu d'extrait de Love and Thunder, vu qu'ils ont commencé le tournage. Ouais. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible. Il n'est pas fini le tournage encore. Non, il n'est pas fini, mais il est commencé quand même depuis longtemps. Donc un extrait, genre un truc. Tu sais, ils vont faire un épisode de Noël des Gardiens de la Galaxie. Ouais. Juste un petit truc, genre un petit teaser, tu sais. Donc, mais je pense pas qu'ils mettent des extraits de films. Après, peut-être je sais pas s'ils vont faire des grosses révélations en mode genre, oh, vous avez caché si, il y en aura au moins ce une. Film qui arrive. Il y en aura au moins une. Pas possible. Il faut. Parce que s'ils se bornent à mettre des teasers de séries qu'on sait déjà qu'ils vont sortir, ça va pas être non plus. Ils vont mettre au moins. Non, mais je pense que l'emphase, ça va être beaucoup plus sur Disney que sur Marvel. Ils ont quand même dit qu'ils faisaient une partie consacrée à Marvel et une autre pour Star Wars. Hein. Oui, c'est sûr, mais je pense quand même qu'il y a tellement de petites annonces Disney qui arrivent. Genre, tu sais, il y a beaucoup de petites séries sur Disney Plus qui arrivent. Olaf, genre, c'est justement avec Olaf. Mais je pense que là, pour l'instant, la locomotive de Disney+, c'est Marvel. Hein. Ouais. Oui, parce que les séries dont on parle le plus souvent, enfin du moins qu'on parle, d'ailleurs, désolée, tu regardes bien la promo dans la rue, ils te mettent le visage de Loki, du Faucon Saber, de Wanda, voilà. C'est ça qui mettent. Moi, la plupart des trucs que j'écoute... Et du Mandalorian. Ouais. Moi aussi, pareil. C'est du Marvel ou un peu de Star, genre quand il y a des films intéressants, le genre... De Booba. American Horror Story. Mais ils mettent que des séries, hein. Ils mettent pas de films en particulier. Hein. Films originaux. Vraiment les séries, hein. Ouais. Si, mais... il y en a eu quelques-uns quand même. Mais... Oui, non, je disais, en affiche, en ville, généralement, t'as pas. Enfin, moi, je vois à Dieppe, on n'a pas eu d'affiche de Togo. Non, oui, le chien. Ouais, non, il n'y a pas eu d'affiche de Togo, il n'y a pas eu d'affiche de La Belle et la Bête. À Dieppe, au travail, on a eu des affiches de WandaVision, on a eu des affiches de Moi, j'en ai eu de La Belle et le Clochard. Là, sur Falcon, tu vois, t'auras sur le bus et tout, hein, je suis sûr. Pour Hawkeye. Pour Hawkeye, il va être en publicité. Et en plus, franchement, Hawkeye, ça a l'air d'être une série, tu sais, vraiment... vraiment captivante, alors que le personnage il fait pas vraiment du rêve non plus quand tu vois mais ça va être la série de Noël, genre ça va être la série de Noël de l'année. Genre, tu vois, ça va être la série qui va se dérouler en temps réel. Ça va faire cette impression-là, tu vois. Genre, ouais, il va voir Kate Bishop au mois de novembre et puis ça va se finir à Noël, tu vois. Bah, ça va être ça. Ouais, je suis sûr que c'est la série de Noël de l'année. Genre, c'est ça va être partout un peu. Bah, d'ailleurs regarde les affiches, il y a de la neige. Il y a de la neige. Les non, puis on entend la musique de Noël en plus, il me semble, non ? Bah oui, ouais. Bah oui. Ouais. C'est ça. T'inquiète, à Montréal, il va neiger 5 cm, tu vas les avoir tous, les affiches. Boum, boum, boum. Chez moi, il neige pas trop, mais. Parce que toi, tu. Non, pour l'instant, il neige pas. Dans le sud ? Bah, je suis à côté de Toulon. À côté de Toulon ? Ah oui. Oui, effectivement, c'est bien dans le sud. C'est bien dans le sud. Ouais. Bah, nous, en Normandie, c'est la pluie. On n'a pas de neige, mais on a de la pluie. C'est bien. Ouais. Ouais. Oui, c'est beau. En tout cas, merci pour le podcast. On va se revoir donc du coup d'ici 2-3 semaines. On verra pour les éternels. On fera peut-être un petit point sur Disney Plus D. Si... Et allô ? Ça a coupé. On t'entend plus. Ok, je suis pas la seule qui l'a entendu. Je sais pas ce qu'il y a sur la connexion, elle bug. Dans tous les cas, merci à vous. Merci Danae. On se retrouve au prochain, j'espère, pour parler des éternels. Bah, toujours, si je peux, je viens. Et y aura... De toute façon, on n'a pas le choix parce que la Duchesse, ce sera un mardi ou un mercredi. Oh là là. Il y aura Pauline cette fois-ci. Alors, Rémi, tu connais pas Pauline, mais Pauline, elle sera avec nous aussi. Comme ça, on aura deux femmes. Tu vois, Landry, il en cherche une. Moi, j'en ai deux. Quelle chance. Voilà. Mehdi va être là la prochaine fois. Eddie, tu viendras avec nous la prochaine fois, j'espère. Et même encore la prochaine. Et puis peut-être encore la prochaine, si tu veux. Je te laisse. On a un groupe Insta, je te laisse dedans. Voilà. Et voilà, si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir, bah, tu pars. Et puis voilà. Fais comme tu veux. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Il sera en podcast dans la semaine. Il faut le temps que je fasse le montage et j'enlève les bugs de connexion. Voilà, et puis ben, je mettrai les liens de tout le monde en description. Eddie, serial vlogger. Donc, toujours la caméra en main, je suppose, pour vlogger. C'est ça. Voilà. Danae, avec ses nouvelles vidéos, qui sont toujours aussi bien. D'ailleurs. Merci. Sachant que Danae, il y aura notre podcast qu'on a fait tous les deux, enfin, notre Instagram qu'on a fait tous les deux sur nos comics Loki, que je vais sortir aussi. J'ai fini le montage, il faut que je le mette. J'en ai vu tellement des nouveaux depuis. Oui. En fait, on avait fait un IGTV où on présentait trois comics chacun de Loki qu'on aimait bien. Voilà. Donc, tu en as présenté trois, j'en ai présenté trois. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez les amis, je vous dis à plus. Eddie, un dernier mot. Merci. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir. Bah, du coup, prochaine fois, parler d'un film comme ça, de merde, c'est ça ? Non, mais c'est malgré tout plaisant de discuter. C'est bien aussi d'avoir les avis des autres. Et puis, j'ai entendu des points positifs. Je ne m'attendais pas à entendre des points positifs. Mais c'est vrai que malgré tout, on a réussi quand même à trouver un ou deux points positifs. Oui, mais, Tom Hardy est beau. Voilà, ça va comme ça. Tom Hardy est musclé. Musclé, voilà. Tom Hardy je ne sais pas musclé. Ce qu'il fait dans ce film-là. Voilà. Il y a des beaux dessins pour expliquer l'histoire de l'eau. C'est ça. Et puis, tape sur Google « Falaise des Trotards » et puis, oups, il tombe sur les falaises. Falaise des Trotards. Voilà. Danae, merci à toi, en tout cas. Ça m'a fait plaisir de te recevoir encore une deuxième fois. Tout le monde, vu que ça sera le mardi et le mercredi, les enregistrements, on aura tout le temps la Duchesse avec nous. et puis, Belgi, merci à toi, en tout cas, d'être venu. Comme d'habitude. De rien. Ce podcast, c'était à croquer. Ah, joli. J'ai magnifique. Compris. Magnifique. Bien joué. Bravo. Non, parce qu'il y a un moment qui était drôle dans le 1. C'est quand il marche et d'un coup il t'entend. Mangez. C'est le mec qui cherche ça bien. Je trouvais ça drôle quand même. Voilà. À noter que pour se nourrir, il a besoin de se faire une overdose de chocolat. C'est plutôt intéressant. Cervelle. Ouais, ou pour reposer, pour remplacer éventuellement, il faut du chocolat. C'est ça. Il veut pas manger, je sais plus comment il l'a appelé là, ces poulets. Ils sont bêtes parce qu'il suffit de synthétiser protéine ou le truc dont il a besoin et il a plus de problème quoi. Oui. Bah oui. Bon. J'en soufflerai un mot, c'est pas grave. on va les appeler. On va les appeler. Il y a pas de problème. T'as quelqu'un le numéro moi? Oui, il n'y a pas de souci. Je vais taper sur Google. Je vais taper sur Google, ça va se trouver, ça. Je mets une araignée dans le ciel avec un projo et c'est bon. Voilà. Non, ça, c'est pas bon, ça. Il y a George Clooney qui va se ramener et puis Eddie, il va pas être content. Ah non, pas lui. En tout cas, merci beaucoup et on se revoit d'ici 3 semaines, 1 mois pour le prochain podcast. Au revoir.